d'affaires démodées pour un flirt avec toi. Je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi.